Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Jack London est rentré du Klondike avec pour seule fortune le scorbut et un inépuisable réservoir d'histoires à raconter. Mais le succès littéraire tarde à venir. En cette année 1899, tout s'enchaîne. Comme si quelque part, tapis dans le monde, l'ange littéraire de Jack London se soit enfin décidé, qu'il ait décrété que les années d'apprentissage avaient assez duré, que la foi en l'écriture du jeune London ne pouvait plus être mise en cause, et qu'enfin son travail et son talent méritaient considération et récompense, tout ce qui jusque-là avait été vain et stérile se mit à fleurir dans les revues et dans les magazines. Lui qui venait de passer l'année à ne dormir que 5 heures par nuit, abruti de travail et d'écriture, poèmes, nouvelles, essais, trouvaient enfin une réponse. Enfin quelques réponses aux 270 bouteilles à la mer qu'il avait envoyées tout au long de l'année précédente. N'attendez pas paresseusement que l'inspiration vienne toute seule. Courez-lui après en brandissant une massue, et même si elle vous échappe, vous finirez par obtenir des résultats qui ressembleront de manière frappante à ceux que l'on obtient lorsque l'on est inspiré. Travaillez tout le temps. Faites connaissance avec la terre, l'univers, la force et la matière, ainsi qu'avec l'esprit qui se manifeste à travers la force et la matière, qu'il s'agisse d'un asticot ou d'une divinité. Tout ceci pour dire qu'il faut travailler, se créer une philosophie de l'existence. Peu importe que cette philosophie soit erronée, pourvu qu'on en ait une. Janvier 99, l'Overland Monthly publie enfin une de ses nouvelles. Mais on oublie de lui envoyer les 5 dollars prévus. On oublie aussi de lui envoyer la revue dont il regarde dans un kiosque à journaux la couverture, alors qu'il n'a même pas les 10 cents pour voir ce que donne son texte imprimé. Il traverse la ville à pied, court chez les Applegarth, emprunte l'argent à Edward, retraverse la ville et achète enfin la revue. Sans toujours rien payer, l'Overland publie quelques semaines plus tard le Silence Blanc, avec 7,5 dollars à la clé dont London ne voit pas la couleur. Excédé, il se rend au local de la rédaction du journal pour exiger son argent et il se rend compte que la misère est finalement partout, même dans les journaux qui étalent leurs titres à la devanture des kiosques. Le rédacteur fouille dans sa poche et donne en petite monnaie l'argent qu'il lui doit. Une fois payé, London accepte, pour le numéro d'avril, de le renvoyer, le fils du loup. Pour améliorer les 5 dollars mensuels qu'il gagne en ce début d'année, il écrit des sketchs pour une revue à prétention intellectuelle, sketchs à peine dignes d'un humoriste de café-concert. Papa, comment appelles-tu un habitant des îles Philippines qui mange son père et sa mère ? Réponse du père. Un cannibale, bien sûr. Mais pas du tout, c'est un orphelin. Bref, en octobre de ces derniers mois de 1899, la revue Atlantic Monthly lui envoie un chèque de 120 dollars pour publication d'une odyssée dans le Grand Nord. Le vent tourne, et il tourne bien, puisque 3 mois plus tard, au premier jour de 1900, l'éditeur Mifflin va le dispenser à jamais d'écrire des choses médiocres pour subsister. En effet, il propose rien moins que la publication de tous ses récits sur le Grand Nord en un seul volume. Il s'intitulera « Le Fils du Loup ». Back on the road once more, and who knows what will lie in store for you, dearest Anne. Better the highway code than being secure behind closed doors and dreaming, dearest Anne. Carry your faith like a jewel among thieves. May your soul shine out brightly. Quite politely, you'll bring them to their knees, dear Anne. Long may the road and the wind and the rain still be behind you till you change your mind again, dearest Anne. Wish I was with you walking by your side. Wish I was young again to see it through your eyes. But I'm old and I've relinquished, nearly extinguished, a burning need for surprises in my life. Long may the road and the wind and the rain still be behind you till you change your mind, dearest Anne. Long may the road and wind be with you in your need, and the changing seasons and the freedom to believe the truth they breathe. As long as the road is not your guide and you realize that it's just an escape, dearest Anne. Wish I was with you walking by your side. Wish I was young again to see it through your eyes. But I'm old and I've relinquished, extinguished, a burning need for surprises in my life. As long as the road is not your guide and you realize that it's just an escape, dearest Anne. Ce premier printemps du XXe siècle va voir encore sa vie se transformer puisque le 17 avril, le jour même de la publication de son premier livre, il va épouser non Mabel Applegarth, mais Elizabeth Madden, la meilleure amie de celle-ci. Si l'intensité de leur amour est sans comparaison avec ce qu'il vient de vivre avec Mabel, leur union est basée sur des affinités électives tournées vers l'écriture, le roman et ce que peut être une vocation d'écrivain. Les hommes, les animaux, les paysages, les incidents observés pendant ces 12 mois d'infortune dans le Grand Nord s'offrent enfin au regard du public qui lui fait aussitôt un succès. La critique ne s'y trompe pas et loue la nouveauté des thèmes et le réalisme des descriptions. Qualité esthétique et philosophie énergique, exaltant le courage et l'effort, on surnomme London le Kipling du froid. Ces nouvelles étaient bien représentatives du siècle naissant. Attitude scientifique devant l'évolution et la lutte des espèces, valeur de ceux qui vivent leur liberté sans crainte d'être excommuniés par les prêtres, peinture de la cruauté, de la laideur en même temps que de la beauté de la vie, diversité des personnages qui n'avaient jamais été invités au festin de la réussite. Autant d'interdits qui sautaient les uns après les autres pour sonner le glas à une littérature du XIXe siècle dans ce qu'elle avait d'anémique, d'hypocrite, de mélodramatique et de fou. L'auteur enfonce sa bêche jusqu'à la racine des choses, écrit le Monde littéraire de Boston. Jack London vient d'avoir 24 ans. De sa sortie de l'école à 13 ans, jusqu'à ce jour béni de la publication de son premier livre, viennent de se dérouler un film de 11 années de trimardage, de débrouille, année ébouriffée d'un adolescent assoiffé de connaissances, armé d'une volonté sans pareille afin que lui, l'enfant de la zone et des bas-fonds de San Francisco, s'empare de l'art d'écrire pour transmettre ce qu'il sait du monde à ceux qui l'habitent. Il lui reste 16 maigres années pour parvenir à le faire. Mais l'Europe, mais le monde, qui fait quoi? Qui agit en ce début de siècle où chacun imagine et espère, comme Stefan Zweig, que le pire est passé? Si je cherche une formule commode qui résume le début de siècle dans lequel j'ai été élevé, j'espère avoir trouvé la plus expressive en disant « c'était l'âge d'or de la sécurité ». Les contemporains européens de London se nomment Rainer Maria Rilke, né comme lui en 1876, Marcel Proust, leur aîné de 5 ans, Joyce, le petit dernier, né en 82. En ce printemps 1900, John Ruskin vient de mourir et Proust part avec sa mère pour Venise retrouver à travers les paysages de Turner l'esprit du critique et poète anglais. Aux antipodes physiques et littéraires de London, pendant que l'un arpente les routes, les chemins de fer et les glaces polaires, l'autre arpente les couloirs du Ritz et la jetée de Cabourg. Marcel Proust, asthmatique, est resté dans le giron de sa mère entre Paris, Illier, le Mont d'Or et Cabourg. Il a trimardé dans les salons parisiens à noter et observer la matière humaine qui va lui servir lui aussi pour son grand œuvre, La recherche du temps perdu. Pour l'heure, il n'a écrit que des articles critiques dans la presse parisienne rassemblés sous le titre « Les plaisirs et les jours » et qui sont publiés par Calman Lévy. Il a commencé un roman autobiographique, Jean Santeuil, qu'il vient d'abandonner pour s'adonner à Ruskin, son éveilleur d'art. Après un voyage qui passe par Moscou, Lou Andreas, Salomé et Rilke se rendent chez Tolstoï. Sur le quai de la gare, un homme, Léonie de Pasternak, tient son petit garçon de 10 ans, Boris, par la main. Ils se rendent à Odessa. Quelques jours plus tard, Lou va abandonner sa passion Rainer Maria Rilke dans la ville même où elle est née, à Saint-Pétersbourg. Dans la douloureuse solitude, il lui écrit « Je reste dans les ténèbres comme aveuglé, car mon regard ne trouve plus ton chemin. La folle bousculade des jours n'est qu'un rideau qui te dérobe à moi. Je te contemple. Se lèvera-t-il le rideau qui me dérobe ma vie, le poids de ma vie, le sens de ma vie, et pourtant ma mort. » À Paris, Émile Zola, condamné et contraint à l'exil pour son J'accuse de janvier 1898, vient de rentrer en France alors qu'une jeune femme publie son premier roman, Claudine à l'école. Elle se nomme Colette et est mariée à un certain Willie, tandis qu'à Dublin, Joyce croque les Dubliners dans ses petits carnets reliés par un élastique. Vienne, c'est l'apocalypse joyeuse. Kokoschka peint, Klimt peint. En ce printemps 1900 est publié un livre qui va faire date, L'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Quant à lui, Gustave Mahler dirige l'opéra de la ville depuis 2 ans et va dans quelques mois rencontrer une jeune femme de 16 ans plus jeune que lui, Alma Schindler. Un peu plus à l'est, à Moscou, une jeune comédienne du nom de Olga Knipper vient de jouer l'Irina des trois sœurs de Tchekhov en 1898. Puis en ce janvier 1900, elle est Elena dans Oncle Vania. Anton et Olga vivent une sublime histoire d'amour. Tchekhov n'a plus que 6 ans à vivre. À Genève, un jeune homme de 21 ans réussit son entrée à Polytechnique où il avait échoué l'année précédente et postule un poste au bureau des brevets de Berne. Il se nomme Albert Einstein. Il est en train de mettre au point sa théorie de la relativité restreinte. En ce printemps 1900, qui peut imaginer que le siècle n'est pas vraiment fini et qu'il va définitivement se terminer à Sarajevo par l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand, et qu'alors commencera le XXe siècle en même temps qu'une première guerre mondiale. Pour en revenir au plaisir et à l'innocence d'un jeune écrivain américain qui savoure la publication de son premier recueil, peut-on concevoir qu'il imagine déjà l'épopée qui attend ce livre en particulier et le destin des livres en général qui brusquement font irruption dans nos intimités, posés sur le bureau d'un puissant comme sur l'oreiller d'un lycéen, dans la sacoche d'un autostoppeur comme dans la bibliothèque d'un musée national. Jack London, cet écrivain dont on a livré l'œuvre aux enfants, est celui qui va pourtant emplir le cerveau d'Ernesto Che Guevara lorsque, blessé et cerné par les troupes de Batista, pendant la bataille d'Alegria de Pio, le 5 décembre 1956, il pense à sa fin probable. Je me suis mis à penser à la meilleure façon de mourir en 7 minutes où tout semblait perdu. Une vieille histoire de Jack London me revint à l'esprit, où le héros appuyé contre un tronc d'arbre se dispose à terminer sa vie dans la dignité, se sachant condamné à mort par congélation dans une région glacée de l'Alaska. C'est la seule image dont je me souvienne. Deux jours avant sa mort, en janvier 1924, Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine, écoute allongé sur un sofa, les yeux fermés, la lecture que lui fait sa femme. Il s'agit du roman « L'amour de la vie » de Jack London. Plus tard, elle racontera. C'était une très belle histoire. Dans un désert de glace où aucun humain n'a mis le pied, un homme malade, mourant de faim, cherche à atteindre l'embouchure d'une rivière. Ses forces l'abandonnent. Il ne peut plus marcher mais seulement ramper. Et derrière lui se traîne un loup, mourant de faim lui aussi. Un combat se produit entre eux, l'homme l'emporte. En loque et à demi-dément, il atteint le bateau où on l'attend. Ce récit plaisait énormément à Ilitch. À propos du Talon de fer, publié en 1910, un des rares livres de London qui ne participe pas de l'expérience vécue, Léon Trotsky écrit en 1937. Il suffit de prendre la peine de consulter les recensions du Talon de fer dans les publications socialistes d'Europe et d'Amérique pour être aisément convaincu que le romantique de 30 ans a vu incomparablement plus clair et plus loin que tous les sociodémocrates de ce temps réunis. Et il ajoute... Mais Jack London ne supporte pas seulement la comparaison avec les réformistes dans ce domaine. Aucun révolutionnaire marxiste, pas même Lénine et Rosa Luxembourg, n'imaginait si pleinement l'inquiétante perspective d'une alliance entre la finance du capital et l'aristocratie syndicale. Cela suffit en soi pour déterminer la valeur intrinsèque du roman. L'audience et l'influence s'affirment, s'agrandissent, puisque les parutions vont s'enchaîner, le succès ne cessera de croître. Peu d'écrivains comme London ont à ce point utilisé comme un gisement leur propre vie. De ce jour du 17 avril 1900, où il peut voir pour la première fois son nom imprimé sur la jaquette d'un livre, jusqu'à la nuit du 22 novembre 1916, où l'excès de morphine va l'endormir à jamais, il reste à Jack London 16 années à vivre, pendant lesquelles 53 romans, livres, essais vont être écrits et publiés. Comme souvent, si la critique ne ménage pas ses éloges pour encenser un brillant jeune romancier, celui-ci, une fois devenu célèbre, est soumis au supplice du doute, de la question, de la suspicion. À l'un d'entre eux qui osa critiquer son vocabulaire, Jack London répond par cette lettre. Un homme tel que moi chasse les spécialistes de son chemin à coups de pied. Ceux de votre espèce mettent en prison ceux de la mienne, car ils nous en veulent de nous attaquer aux spécialistes. Ceux de mon espèce créent le langage vivant, alors que ceux de la vôtre ne font que préserver le langage créé par des gens comme moi. Nos deux espèces sont toujours en guerre l'une contre l'autre, et elles l'ont toujours été. Elles continueront à se faire la guerre tant qu'il y aura un langage parlé sur notre planète. Je ne dis pas cela par esprit de sophisme, mais pour essayer de vous convaincre que la science du langage